Na bomba yo mwasire kuke yo bako kite Koya kobuka efelo na yango senga Dize kokie po ezali mokano ya nzambe Madame Kolumbo ezali kakase yo Bobi Membe Bako kokate ata bako yebela bongo André Kimbuta Ezali se ya mwantango Ikambo ya bolingo Yanga ina yo Nasi na bandia komituna Soki yoko le langai na suka ya mikolo langayo Neloko nini yango oko mona elongi langaye Soki peye na ba souvenir oyo toka bola langai na yo Soki kakaba na e na zaliko yebate Malheur double langai oso kisi ngai na pota e Bébé âgé à deux jours, juge de mon toit qu'on s'ambisse yo, avocat des juges na yo, au singing aïko poya bomengo, au lobby à taes ali à coton d'até, l'itanga ya pama, naïmoko na zoate. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Moi je découvre aujourd'hui qu'une belle femme vaut tout le remède du monde, Esmeralda Jubilée. Bomengo, so ki ezala kisiba plento yanga imobola ye So ki ezala kisima yekwe ya kangana miso mbele nalila tango nyoso Esika ya mpizoli ezala tambongo Nena komisa yo pese sope misa nzoto na yo Ome kola via zamunda oyo mirfi ya boyaka Onzwa ezase ya eliza oyo monarchi ya Windsor Toksinele Talik mama mama yeah Azaka na baite Olandi ba mo croisé ya kokoloko ya idéologie Eba kama mama Elvis mo kana linda kayo na ko balola lole mo cette fois te pona ye bisayo olingo bala kisaka na malobate sera bilembo Somida, Teddy Kinzala, Adele Bidens de Londres Parengos Belvedere Ambula Ambula Ambula Mbani Ambula Endenai Endenai Endenai Bitulu Bitulu Ambula Ambula Ambula Mbani Ambula Endenai Endenai Endenai Bitulu Bitulu Bitulu Bitulu Hey Ay Dodi Kibibi Telaka amour na Chico, na Boston, Moskin de Tukulu, ma pozo kere. Prix Nobel, Félix Oisekwa, na Lucia Sasa, Baninga Langa ya Laiki, Bobon de la Cop Finale. Oh!